Quel est cet étrange parfum, un de ceux que l'on ne connaît pas, dont on ne veut plus se passer, ne plus s'en passer. Quelle est cette douce sensation que j'avais presque oublié, qui m'envahit soudain, oui soudain. Ici je vivais quelque chose, et si je me réveillais vraiment de cette nuit qui a trop duré, wow, wow. Et si je vivais quelque chose, et s'il m'arrivait quelqu'un d'autre dans cette journée qui commence, qui commence. Quelle est cette étrange envie à laquelle je ne résiste pas, quand on ne peut plus se passer, ne plus s'en passer. Quelle est cette voix agréable que je veux toujours écouter, parce qu'elle fait vibrer, elle me fait vibrer. Et si je vivais quelque chose, et si je rêvais vraiment de cette nuit qui a trop duré, oh, oh, oh. Et si je vivais quelque chose, et s'il m'arrivait quelqu'un d'autre dans cette journée qui commence, qui commence. Ne plus s'en passer.